Bon, il y a des choses sur comment dire, une sorte de dérive dans la manière de faire de l'agriculture, qui, c'est vrai, est massivement à base chimique, qui, c'est vrai, a des conséquences relativement négatives sur la biodiversité, sur la vie des sols. Je pense que ça, c'est assez bien expliqué. Bon, il faudra en faire l'histoire. Pourquoi? C'est un petit peu dit dans le film, mais ça pourrait être un petit peu mieux argumenté. C'est vrai qu'on ne sait pas. Dans les années 60, on ne se préoccupait pas de savoir si on allait envoyer des nitrates dans l'eau. Voilà. On ne se préoccupait pas de savoir si les pesticides y restaient sur l'aliment et si, combinés entre eux, au bout de dizaines et de dizaines d'années, ça allait être mauvais pour la santé. On ne se préoccupait pas de ça. On se préoccupait de produire plus. Alors, c'est vrai que ça a eu des conséquences négatives, que probablement on n'en a pas pris conscience suffisamment vite, que maintenant, me semble-t-il, on prend un peu mieux en compte, même si ça ne va pas très vite.